tué. Ça va faire un bail tourné là sur le banc des accusés. Passionné par la musique, pour elle on se donne à fond. Prisonnier de la terre, on représente tous les bas-fonds. À fond de balle, sur l'autoroute on vient évacuer. Ça va faire un bail tourné là sur le banc des accusés. Passionné par la musique, pour elle on se donne à fond. Prisonnier de la terre, on représente tous les bas-fonds. On revient braquer nos feuilles, la vie est un braco. FKC track t'invite à mettre le son dans ton taco. N'hésite pas, non, à monter le son taquet. On est toujours là depuis le début et nos faces sous les baquets. Ceux qui nous entourent c'est ceux qu'on représente. Donc les vrais de l'aller au retour et plus présent. Même dans les défis j'accélère la manière de faire. C'est pas moi qui va me perdre. J'arrive quand c'est l'heure, aucun salaire. Mais t'inquiète pas, ça va le faire. Je ne peux pas m'empêcher de plier les preuves. De toute façon va falloir encaisser le choc. Pas de check, je ne suis pas patron. Mais le pavé m'a dirigé en direction du rap. Tu veux du rap dans ma mixtape. J'ai vidé mon sac mais je suis pas sec. FK prod, tu sais que ça envoie la sauce. Je touche pas les aztèques en pur indé. Je fais les choses bien ou mal. FKC toujours hal. Demande à Trac, on n'a jamais vu le bout du tunnel. À fond de balle sur l'autoroute on vient évacuer. Ça va faire un bail qu'on est là sur le banc des accusés. Passionné par la musique, pour elle on se donne à fond. Prisonnier de la terre, on représente tous les bas-fonds. À fond de balle sur l'autoroute on vient évacuer. Ça va faire un bail qu'on est là sur le banc des accusés. Passionné par la musique, pour elle on se donne à fond. Prisonnier de la terre, on représente tous les bas-fonds. J'ai 89 000 raisons pour te rappeler que pour rappeler faut affronter toutes les saisons pour avoir des bons coups à frapper. Pour nous attraper dans tes sons, prévois-toi des mois à gratter. FKC et TRAC, j'annonce que notre avenir est tracé. Le rap a fait de nous des travailleurs acharnés. C'est bien la rime et non la rue qui nous a charmés. Le jour où j'ai pillé la banque des mots, j'étais armé. T'as 16 mesures, crois-moi, j'ai fait couler des larmes. De l'encre sur mes feuilles, mais fuck le rap game. J'suis protégé par mes gars et non la SACEM. Ça sert à rien de nous jeter l'œil, tu finiras aveugle. Si la musique est ta femme, je crois bien qu'elle finira veuve. À 21 ans, j'dois te dire la Nigérienne. Sur le net, y'a un tas de merde à écouter si je te gêne. Ma génération est victime du succès de son art. Tu m'écoutes sur ton iPod, t'es bien une victime de mon arme. À fond de balle sur l'autoroute, on vient évacuer. Ça va faire un bail qu'on est là sur le banc des accusés. Passionné par la musique, pour elle on se donne à fond. Prisonnier de la terre, on représente tous les bas-fonds. À fond de balle sur l'autoroute, on vient évacuer. Ça va faire un bail qu'on est là sur le banc des accusés. Passionné par la musique, pour elle on se donne à fond. Prisonnier de la terre, on représente tous les bas-fonds. On fait gaffe à ce qui vient, à toi de faire face ou esquiver. La rue te met des baffes pour voir ce que tu vaux. Elle te laisse des marques, mais bien sûr que tu l'aimes. Pour elle tu débarques et affronte tous ses problèmes. Les soucis se réparent, mais toi tu perds tes repères. Des trucs qui rendent barge que tu seras pas prêt de refaire. Pense à ceux qui t'entourent avant de causer des dégâts. 89, mon alentour, je viens représenter mes gars. Ceux qui nous entourent, c'est ce qui nous tient debout. Si on fait du son lourd, c'est parce que nos mots pèsent bout à bout. Aucun sujet tabou, nous on joue carte sur table. Si tu vois que je bouge, c'est que je suis plus raisonnable. J'ai lâché des mots rythmés pour ce feat sur ce beat. Une technique triste, mais pour faire la diff, j'ai pas de limite. La gimmick a capté ton attention à pied dedans. Si le projet n'est pas dans les bacs, c'est parce qu'il est loin devant. À fond de balle sur l'autoroute, on vient évacuer. Ça va faire un bail qu'on est là sur le banc des accusés. Passionné par la musique, pour elle on se donne à fond. Prisonnier de la terre, on représente tous les bas-fonds. À fond de balle sur l'autoroute, on vient évacuer. Ça va faire un bail qu'on est là sur le banc des accusés. Passionné par la